La soupe du soir. Il fait nuit, dans la chambre étroite et froide, où l'homme vient de rentrer, couvert de neige, en blouse. Et comme depuis 3 jours il n'a pas prononcé 2 mots, la femme a peur et fait des signes aux marmots. Un seul lit, un bahut disloqué, 4 chaises, des rideaux, jadis blancs, conchillés des punaises, une table qui va s'écroulant d'un côté, le tout navrant, avec un air de saleté. L'homme, grand front, grands yeux pleins d'une sombre flamme, a vraiment des lueurs d'intelligence et d'âme, et c'est ce qu'on appelle un solide garçon. La femme, jeune encore, est belle à sa façon. Mais la misère a mis sur eux sa main funeste, et perdant par degrés rapides ce qui reste à eux de tristement vénérable et d'humain, ce seront la femelle et le mâle, demain. Tous se sont attablés pour manger de la soupe et du bœuf. Et ce tas sordide forme un groupe dont l'ombre à l'infini s'allonge tout autour de la chambre, la lampe étant sans abat-jour. Les enfants sont petits et pâles, mais robustes, en dépit des maigreurs saillantes de leur buste, qui disent, les hivers, passés sans feu, souvent, et les étés, subis, dans un air étouffant. Non loin d'un vieux fusil rouillé qu'un clou supporte et que la lampe fait luire d'étranges sortes, quelqu'un, qui chercherait longtemps dans ce retrait avec l'œil d'un agent de police, verrait, empilé dans le fond de la boiteuse armoire, quelques livres poudreux de science et d'histoire, et sous le matelas, cachés avec grand soin, des romans capiteux, cornés à chaque coin. Il mange cependant. L'homme, morne et farouche, porte la nourriture écœurante à sa bouche d'un air qui n'est rien moins nonobstant que soumis, et son eustache semble à d'autres soins promis. La femme pense à quelque compagne, laquelle a tout, voiture et maison de campagne, tandis que les enfants, leurs poings dans leurs yeux clos, ronflant sur leur assiette, imitent des sanglots.